So yesterday was about how to practice, combining theory and practice. And this is an explanation of the teaching of the Buddha and in the manner of Mahasi Seato, how he explained it and how Upandita also explains this in this way of combining theory with practice. So that the yogis would be able to concentrate their minds within a short period of time and be able to see mind and matter, to see how they occur as cause and effect, and to see how knowledge develops, and eventually one realizes special Dhamma. Hier, j'ai donné un enseignement sur comment combiner la théorie et la pratique. C'est la méthode qui est enseignée en fait par Mahasi Seato et par Upandita. C'est une méthode qui permet aux yogis de se concentrer sur un court laps de temps, rapidement, et qui lui permet de voir l'esprit et la matière, nama, rupa, puis de voir les causes et les effets, et enfin de voir le special dhamma, le dhamma spécial. Donc il est important de savoir comment réaliser cette tâche. C'est une garantie de succès. Lorsque le méditant verra mind and matter, cause and effect et le special dhamma, il aura la foi et il aura le désir d'obtenir des résultats et il va vraiment se mettre à pratiquer comme il le faut. Il va vraiment faire l'effort. C'est en obtenant des résultats finalement qu'il sera amené à faire ce qu'il faut faire. Et le rôle du professeur, c'est d'allumer cette étincelle dans le yogi, de l'amener à faire le travail qu'a priori on ne fait pas. L'enseignant ne doit pas seulement examiner comment le yogi travaille, il doit aussi discuter avec le yogi. Donc il doit essayer de comprendre comment le yogi travaille et aussi voir s'il travaille selon les instructions. Et si c'est pas le cas, il doit essayer de trouver un moyen de le redresser, de redresser sa pratique. Et s'il manque quelque chose dans sa pratique, il doit essayer de combler ce manque. Il faut pas que le yogi pratique d'une manière erronée. Et en fait, bon, ça c'est tout. Le rôle du professeur se limite à ça. Mahavajira a expliqué en détail comment on allait de la position debout à la position assise. Le méditant ne doit pas le faire rapidement. S'il le fait rapidement, il ne saura rien. Il faut observer centimètre par centimètre. Et c'est ainsi que la véritable nature sera perçue, donc étape par étape. Le méditant doit utiliser deux facteurs. L'énergie mentale, d'une part, et propulser l'esprit. Vitaka. Et le fait d'appliquer l'esprit à l'objet, de le faire coller à l'objet. Alors, l'esprit ne doit aller nulle part. C'est pourquoi on doit mettre en application un effort ardent, d'une part, et d'autre part, de vitaka, le fait de coller à l'objet, simplement pour atteindre l'objet, au départ. Alors, c'est une qualité djanique, c'est-à-dire une des qualités de l'absorption. Vitaka, c'est une des qualités de l'absorption, et c'est la première des qualités de l'absorption, celle qui va permettre aux autres facteurs jhaniques de se développer. Le jhana, l'absorption, vient de cette première qualité. Donc hier, on avait dit déjà que le yogi doit être attentif à trois choses, la forme, la manière et la véritable nature des choses. Si le yogi est capable de rester sur la forme, par exemple quand il s'assied et s'il est capable de visualiser la forme qui est un concept, mais qu'il reste avec cette forme, c'est bon. De la même façon, s'il est attentif à la manière, au processus du fait de s'asseoir, c'est tout aussi bon parce que l'esprit ne va pas vagabonder, il va rester avec l'objet. Le professeur peut dire que la pratique d'un tel yogi est bonne, même s'il n'a pas encore acquis la connaissance, parce qu'il reste donc avec l'objet de manière constante. Sa pratique est tout à fait satisfaisante du point de vue du professeur. Donc si le yogi parvient à pratiquer de cette façon-là, de manière continue, ininterrompue, il est certain de faire émerger la connaissance, de connaître la nature ultime des choses, sabhava, en pali. Par exemple, quand il s'assied, il commencera par réaliser les qualités de support, ou bien de raideur, ou bien d'extension, ou bien de lourdeur. Plus tard, il va réaliser des choses plus subtiles comme la chaleur, ou plus tard encore, il va réaliser des choses comme l'inconfort, qui est vedana, donc qui fait partie de la sensation. Et tout ça, c'est de l'expérience personnelle. Le yogi doit aller au-delà de la forme et de la manière pour voir la véritable nature des choses. Lorsqu'il les voit, il ne peut pas dire que ces choses n'existent pas. Par exemple, quand il voit la raideur ou le support, c'est quelque chose qui est véritablement là. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. S'il voit l'extension, la lourdeur aussi, ce sont des choses qui sont véritablement là. Ce n'est pas incorrect de dire que c'est là. Le yogi sait les choses de manière correcte. En fait, il approche la première des quatre nobles vérités, de celle de la souffrance, même si c'est encore à un niveau grossier. Lorsque le méditant sait de cette façon-là, Virya, Sati et Samadhi sont présents, donc l'énergie, l'attention et la concentration. C'est la pratique de Samatha, de la concentration. L'esprit est propre, il est dégagé des impuretés. Par contre, si le méditant pratique de manière peu attentive, ces trois qualités de Virya, Sati et Samadhi seront perdues à ce moment-là. L'esprit peut commencer à vagabonder sans but, ne parvient plus à atteindre la forme physique ou la manière, et le méditant gaspille son temps à ce moment-là. De nouveau, si le yogi pratique de manière peu appliquée et qu'il ne parvient ni à voir la forme physique, ni à voir l'action qu'il est en train d'accomplir, peu importe combien de temps il va pratiquer, il n'arrivera à rien de cette façon-là. Ça ne fera aucune différence. Donc le yogi se doit vraiment d'essayer d'atteindre l'objet, d'atteindre ces trois choses, que sont soit la forme, soit la manière, soit la véritable nature ultime des choses, la véritable nature des choses. S'il pratique de cette façon-là, inéluctablement, à un moment, la véritable nature des choses lui apparaîtra. Donc, en venant ici, le yogi fait un investissement, et donc il devrait faire en sorte vraiment que ça porte ses fruits, bien qu'il ait dû abandonner quelque chose pour venir ici. En même temps, il peut en retirer quelque chose aussi. Afin de rendre cette méditation utile et fructueuse, il faut que le méditant comprenne les bénéfices qu'il peut retirer de la pratique. Ce n'est qu'en comprenant les bénéfices qu'il fera vraiment l'effort de s'appliquer à ce travail. Donc, Mavajira encourage les méditants à travailler de manière attentive, méticuleuse et avec continuité. C'est les trois instructions qui sont données en général. Pour atteindre Samadhi, la concentration, pour voir la véritable nature des choses, Namarupa, le corps et l'esprit, il faut pratiquer avec respect, de manière respectueuse, de manière méticuleuse et de manière attentive, précise. Et je voudrais donner quelques analogies à cet égard. Quand on randonne, quand on marche dans les collines, dans les forêts, dans les montagnes, parfois on tombe sur un petit pont suspendu ou une passerelle très étroite qui ne permet d'aller qu'un pied devant l'autre entre les deux côtés du ravin. Donc en Pali, ça s'appelle Eka Padika Setu, et c'est un pont qui n'a la largeur que d'un pied. Quand on va sur un pont comme celui-là, on doit être particulièrement attentif, particulièrement prudent. On doit non seulement marcher lentement, mais aussi regarder attentivement. On ne peut pas, par exemple, regarder attentivement, mais marcher vite, et vice-versa. Si on va trop vite, on tombe. Mais si on va lentement, mais qu'on n'est pas attentif, on risque aussi de tomber. Donc, il faut les deux, Il faut non seulement marcher lentement, mais aussi avec attention. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on parviendra à l'autre côté du ravin. À nouveau, on ne peut pour atteindre l'autre côté, on doit non seulement marcher lentement et être attentif. Cette analogie permet aussi de comprendre pourquoi penser n'est pas suffisant. Certaines personnes pensent que la connaissance vient du fait de penser, mais en fait, en se contentant de penser, on ne traversera jamais le pont. Il faut mettre la main à la pâte. La méditation aussi, ce n'est pas quelque chose à propos duquel on peut fantasmer. On doit observer de manière attentive. Et donc, pour résumer encore une fois, il faut non seulement aller lentement, mais aussi être attentif à ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on doit observer? Donc, du moment où on se réveille le matin jusqu'au moment où on va dormir, on doit constamment observer le corps, en particulier les quatre postures du corps, c'est-à-dire debout, assis, en marche ou couché. Il faut que l'esprit soit constamment sur ces quatre postures, c'est vraiment la base. Mais maintenant, à l'intérieur de ces quatre postures, il y a des mouvements moins évidents auxquels il faut être attentif aussi, comme par exemple se pencher, étendre le bras, lever la tête, cligner des yeux, placer quelque chose ou bouger simplement. À tout moment, l'esprit doit être attentif à ces mouvements. Au moment où ces mouvements principaux ou moins importants se produisent, à chacun de ces instants, le corps et l'esprit se produisent aussi à l'intérieur de ces mouvements, namarupa. Et les causes et les effets sont liés à namarupa. Donc, afin de comprendre ce qui se passe, afin de savoir ce qui se passe, il faut être vraiment très très prudent et il faut aussi mettre de côté tout ce qu'on sait. Il faut oublier tout ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir. Il faut être très attentif à ce niveau-là. Il faut qu'on soit à 100% dans la tâche d'observation. Donc Mavajira nous demande de faire particulièrement attention à ceci. Si on le fait, on est sûr d'en retirer des bénéfices immédiats. Une autre façon de regarder ceci, c'est avec l'image d'un bol qui serait rempli jusqu'au bord d'huile et qu'on devrait amener d'un endroit à un autre. Si on doit faire cela, on doit le faire de manière très prudente, gentiment, et essayer de faire en sorte que le bol soit bien équilibré, de façon à ce qu'il ne bouge pas. Si on le fait rapidement, il va bouger et l'huile va couler. Donc c'est quelque chose qu'on doit bien garder à l'esprit quand on pratique. Avajira nous demande de vérifier notre pratique et de voir si elle est conforme à ceci, à ce qui vient d'être expliqué. Et si ce n'est pas le cas, il faut qu'on fasse un effort particulier. Lorsqu'une personne s'assied, tout ce processus de s'asseoir est rempli de corps et d'esprit, de nama et rupa. De la même façon que le bol ne doit pas déborder quand on le porte d'un endroit à l'autre, il ne faut pas que tout ce corps et cet esprit débordent quand on s'assied. Lorsqu'on traverse la rivière, si on ne fait pas attention, on traverse donc sur le pont suspendu la rivière, si on ne fait pas attention, on risque de tomber. De la même façon, quand on médite, si on ne fait pas attention, on va manquer ce qui est en train de se passer. On ne va pas réaliser ce qui est en train de se passer. Le fait de s'asseoir est une action simple, et pourtant, moins d'1% des gens qui s'asseyent comprennent ce qui est en cours dans cette action, au niveau de la réalité ultime. Il est dit dans les Écritures que la négligence est le chemin de la mort. Donc, pamada, en pali, la négligence est le chemin de la mort. À l'inverse, celui qui est vigilant et qui travaille avec diligence ne mourra pas. Donc, c'est bien de garder ça à l'esprit. Il est important de s'en souvenir. Quand on applique son énergie à observer les mouvements du corps, donc lever, avancer, placer, bouger, étendre, etc., il faut qu'on le fasse lentement. Par contre, si on est avec d'autres, par exemple lorsqu'on fait la, la file pour manger ou lorsqu'on nettoie les assiettes, on doit adopter une vitesse normale parce que ça peut affecter les autres si on va trop lentement. Lorsqu'on mange, par contre, c'est notre temps personnel, ça ne concerne pas les autres et donc on peut aller très lentement. Mavajira demande d'essayer pour nous-mêmes, d'essayer de pratiquer ainsi, et de cette façon nous allons voir que c'est bénéfique. Dans l'enseignement d'hier, on avait parlé de la foi, la foi est impliquée dans ce processus. On avait parlé aussi de chanda, donc en pali l'aspiration qui est un désir positif, l'aspiration par exemple à comprendre, à savoir, ou alors l'aspiration de se libérer des émotions négatives, des kilesas. Si ces choses-là sont présentes, donc la foi et chanda, le reste va suivre automatiquement. On n'a plus besoin d'essayer de les susciter. Ça va venir automatiquement. C'est-à-dire la sati, samadhi et panya, l'attention, la concentration et la sagesse. Sayali aimerait dire deux choses supplémentaires. La première, lorsqu'on pratique la méditation en marche, le principal de l'action se produit dans les jambes. Même si c'est l'entièreté du corps qui va vers l'avant, il faudrait se concentrer vraiment sur les jambes exclusivement. Quand on augmente les objets d'observation, donc par exemple, au départ, on observe seulement lever le pied, placer le pied. Après ça, on ajoute aussi bouger. Donc un troisième objet, lever, bouger, placer. À ce moment, on développe à la fois l'énergie mentale et l'énergie physique en multipliant les objets d'observation. C'est important de développer l'énergie. Si la concentration est trop forte, si la concentration est excessive, ça ne va pas marcher aussi bien. Il faut mettre l'énergie et la concentration en équilibre. Par exemple, pour des gens qui restent assis longtemps, il faudrait, pour bien faire, équilibrer ça avec une longue marche par la suite. C'est comme deux chevaux. L'un serait la concentration, l'autre l'énergie. S'il y en a un qui tire beaucoup plus fort que l'autre, la charrette n'avancera pas bien. Dans cette analogie, le conducteur, c'est sati, c'est-à-dire l'attention. Les facteurs dont on a parlé, qui sont la foi, chanda, c'est-à-dire l'aspiration, sati, l'attention, et samadhi, la concentration, sont les compagnons de panya, la sagesse. Et parmi eux, samadhi, la concentration, est la cause proche de panya, la sagesse ou la connaissance. Les yogis devraient comprendre les bénéfices de la pratique et alors ils vont faire l'effort, ils vont appliquer l'esprit à l'objet et en très peu de temps ils pourront gagner les bénéfices de la pratique. Donc Sayali souhaite que chacun puisse trouver la paix et le bonheur dans un laps de temps bref. So I hope the yogis will be able to apply the practice and gain the peace and happiness that can be gained in a very short time. That's all for today.